Ma mère n'allait pas dans la... chez les gens. C'est à partir de 1932, par là, qu'étant vraiment devenue concierge, et puis qu'on ait vu sans doute qu'elle était honnête, qu'on lui a fait des propositions. Et si vous veniez nous aider quand on a du monde, vous serviriez à table ou bien vous préféreriez faire la vaisselle? Vous auriez un beau tablier noir avec un corsage blanc, ça serait bien pour recevoir les gens, les faire rentrer, puis les faire rentrer aussi dans le salon. Bon, ma mère avait été d'accord. Elle n'était pas contre faire la vaisselle, mais elle n'était pas contre regarder. Pour elle, ce n'était pas rigolo, c'était pas... Mais ça égayait un peu sa vie. C'était pas fatigant, ça la faisait coucher à minuit, 1h du matin, quand même. Puis le lendemain, elle retournait, si elle était au marché, elle allait au marché. Elle respirait beaucoup de tabac, elle disait que ça, elle aimait pas. Ils fumaient tous, les bonhommes, le cigare. Mais, ben voilà, de temps en temps, elle disait, il y a un verre à torcher. Ça voulait dire, ma mère a toujours aimé le vin rouge, foncé, Bordeaux. Ça, toujours. Elle n'avait pas beaucoup l'occasion d'en boire. Alors quand elle voyait qu'on servait des Bordeaux, puis qu'on débarrassait la table, et qu'on ramenait les verres à l'office, et puis ensuite on les passait à la cuisine, il y avait toujours un petit moment de vide, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui travaillaient. Elle se tapait un petit verre de... qui restait un petit verre de Bordeaux. C'était le verre de mademoiselle, ou c'était le... Voilà. Elle n'aurait pas bu dans le verre de monsieur, qui était un vieux, ni gentil ni pas gentil, qui était un peu sourdingue. Mais le verre de mademoiselle, elle le sifflait, comme elle disait. Il était bon. Mais elle n'en prenait pas deux, parce qu'elle avait la tête qui tournait très vite.